Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, 21h tapante sur les ondes du 100 FM de Radioactive à Toulon, c'est Lost in Space. 3 heures de voyage musical dans toutes les directions possibles, imaginables, sauf certaines bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est un retour à un peu de la Madeleine de Proust, des choses que l'on écoutait quand j'étais adolescent ou la vingtaine, voire même jusqu'à la trentaine, ce qu'on appelait le fameux rock indépendant ou rock indé des années 80-90. Donc un petit florilège pendant toute l'émission, c'est parti. walks down the drain. Well, she's a total blam blam. She said you had to squeeze it, but she won't let you. Oh, don't lean on me, man, 'cause you can't afford the ticket. Take you this. samedi 6 juin 1903 rompit la monotone vie qu'on menait au poste de Assy-Ignifel par deux événements d'inégale importance. L'arrivée d'une lettre de Mademoiselle Cécile de C et celle des plus récents numéros du journal officiel de la République française. Si mon lieutenant le permet, dit le maréchal des logis-chef Châtelain, se mettant à parcourir les numéros dont il avait fait sauter les bandes. D'un signe de tête, j'acquiesçais, déjà tout entier plongé, dans la lecture de la lettre de Mademoiselle de C. Lorsque ceci vous parviendra, écrivez en substance cette aimable jeune fille, maman et moi aurons sans doute quitté Paris pour la campagne. Si dans votre bled, l'idée que je m'ennuie autant que vous peut vous être une consolation, soyez heureux. Le Grand Prix a eu lieu, j'ai joué le cheval que m'avait indiqué et naturellement j'ai perdu. L'avant-veille, nous avons dîné chez les Martial de la Touche. Il y avait Elias Chatrian, toujours étonnamment jeune. Je vous envoie son dernier livre qui fait assez de bruit. Il paraît que les Martial de la Touche y sont peints nature. J'y joins les derniers de Bourget, de Loti et de France, plus les deux ou trois scies à la mode dans les cafés-concerts. En politique, on dit que l'application de la loi sur les congrégations rencontrera de réelles difficultés. Rien de bien nouveau dans les théâtres. J'ai pris un abonnement d'été à l'illustration. Si ça vous chante. À la campagne, on ne sait que faire. Toujours le même lot d'idiots en perspective pour le tennis. Je n'aurai aucun mérite à vous écrire souvent. Épargnez-moi vos réflexions à propos du petit Combemal. Je ne suis pas féministe pour deux sous, ayant assez de confiance en ceux qui me disent jolie et en vous particulièrement. Mais enfin, j'enrage à l'idée que si je me permettais vis-à-vis d'un seul de nos garçons de ferme le quart des privautés que vous avez sûrement avec vous, Zled Naïl, passons. Il y a des imaginations trop désobligeantes. Sure.

la mauvaise humeur de Châtelain devenait exubérante. Le capitaine de Saint-David, commandant du poste, un poste auquel on n'a jamais eu rien à redire. On nous prend donc pour un dépotoir. Ma surprise égalait celle du sous-officier. Mais en même temps, je vis la mauvaise figure de Fouine de Gouru, le joyeux que nous employons aux écritures. Il s'était arrêté de griffonner et écoutait avec un intérêt sournois. Maréchal des logis, le capitaine de Saint-Avit est mon camarade de promotion, dis-je sèchement. Châtelain s'inclina, prit la porte, je le suivis. Allons, vieux, dis-je en lui frappant sur l'épaule, pas de mou. Rappelez-vous que dans une heure, nous partons pour l'Oasis. Préparez les cartouches, il faut sérieusement améliorer l'ordinaire. Rentré dans le bureau, je congédiai d'un geste Gouru. Resté seul, je terminai rapidement la lettre de Mademoiselle de C, puis ayant pris de nouveau l'officiel, je relus la décision ministérielle qui donnait au poste un nouveau chef. on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. What can you lose? What can- Voilà 5 mois que j'en faisais fonction, et ma foi, je supportais bien cette responsabilité et goûtais fort cette indépendance. Je puis même affirmer, sans me flatter, que sous ma direction, le service avait marché autrement que sous celle du capitaine Dieulivol, le prédécesseur de Saint-Avit. Brave homme, ce capitaine Dieulivol, colonial de la vieille école, sous-officier des Dodes et des Duchesnes, mais affecté d'une effroyable propension aux liqueurs fortes et trop enclin, quand il avait bu, à confondre tous les dialectes et à faire subir à un Naoussa un interrogatoire en sac à laver. Personne ne fut plus jamais parcimonieux des ressources en eau du poste. Un matin qu'il préparait son absinthe, en compagnie du maréchal des logis-chefs, Châtelain, les yeux fixés sur le verre du capitaine, vit avec étonnement la liqueur verte blanchir sous une dose d'eau plus forte qu'à l'ordinaire. Il releva la tête, sentant que quelque chose d'anormal venait de se produire. Raidi, la carafe inclinée à la main, le capitaine Dieulivol fixait l'eau qui dégouttait sur le sucre. Il était mort. Through the night, I'm gonna call her on the telephone. street. Another girl in the neighborhood. Wish she was mine, she looks so good. I wanna hold her tight. That teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. I need excitement, no, I need it fire. And it's the best I've ever had. I wanna hold her tight. That teenage kicks right through. Cinq mois durant, après la disparition de ce sympathique ivrogne, on avait semblé se désintéresser en haut lieu de son remplacement. J'avais même espéré un moment qu'une décision serait prise, m'investissant en droit des fonctions que j'exerçais en fait. Et aujourd'hui, cette soudaine nomination. We'll be right back. le capitaine de Saint-Avit. À Saint-Cyr, il était de mes recrues. Je l'avais perdu de vue. Puis mon attention avait été rappelée sur lui par son avancement rapide, sa décoration, récompense méritée de 3 voyages d'exploration particulièrement audacieux au Tibesti et dans l'Aïr. Et soudain, le drame mystérieux de son 4e voyage, cette fameuse mission entreprise avec le capitaine Morange, et d'où un seul des explorateurs était revenu. Tout s'oublie vite en France. Il y avait bien 6 ans de cela. Je n'avais plus entendu parler de Saint-Avit. Je croyais même qu'il avait quitté l'armée. Et maintenant, voici que je me trouvais l'avoir pour chef. I don't wanna be buried. Donc, ils peuvent interdire la circulation des personnes ou des véhicules à certains endroits, à certains lieux, instituer donc des zones de protection ou de sécurité, ou alors où les séjours de personnes vont être réglementés. Alors, sur ces zones de protection ou de sécurité, moi, j'ai un exemple qui m'a quand même frappé parce qu'il se trouve que, par ailleurs, là, je fais un peu de droit des étrangers. Quand le Calais, la zone sud, a été démantelée, la préfète du Pas-de-Calais, après avoir dit tout ça, ça va se passer dans la transparence, hein, vous savez, on va les mettre à l'abri, etc. La veille du démantèlement annoncé, a décrété, a pris un arrêté préfectoral, créant une zone de protection autour du camp et donc interdisant l'accès au camp, enfin, tout autour du campement sur la lande à toute personne, sauf quelques journalistes accrédités qui étaient allés à la préfecture la veille récupérer leur accréditation et quelques représentants d'assos, pareil, qui étaient les assos qui sont dans les petits papiers de la préfecture. You don't have to stay to the bitter end. And you don't have to stay and pretend. There's something in your eyes that I know. You don't have to stay. If I were you, I'd go. Always think of all the good times that we had. There's no time lost and no time wasted for a friend. You don't have to say that I'm your only friend. Say, it's gone too far to mend. There's something in your eyes that I know. You don't have to stay. If I were you, I'd go. Always think of all the good times that we had. There's no time left. No time wasted for a friend. There's always something else to say along the trip. Just don't forget. Thank you. Mais les avocats qui avaient depuis un moment pris contact avec les réfugiés pour éventuellement donner du conseil en termes d'asile, etc., n'avaient plus accès, ni les associations même très militantes. Et dans l'arrêté, hein, il était indiqué, en fait, c'est parce qu'il y a les no-borders qui sont des méchants gauchistes qui vont foutre le bordel, qu'on est, et donc c'est sur le fondement de l'état d'urgence que cette zone de protection a été instaurée. I couldn't care less. When they said you run cold, I said I'm gonna run that risk. They said your love is like ice, and your kisses they'll freeze, and your touch is alive. We'll be right back. Et pour la petite histoire, donc ça, le démantèlement, c'était lundi. Donc l'arrêté a été pris lundi. On avait fait un référé devant le tribunal administratif pour essayer de le faire sauter. Et le jour où le truc était audiencé, c'est-à-dire le vendredi, où l'audience était fixée, c'est-à-dire le vendredi, elle l'a abrogé son arrêté, tout en continuant à interdire l'accès physique des individus au camp. Donc c'est aussi pour dire que c'est très difficile, l'arme du droit n'est pas une arme forcément évidente, c'est-à-dire qu'on va vous dire, vous n'avez qu'à saisir le tribunal administratif, puisque vous avez dans un état de droit, même les actes de l'État doivent pouvoir être jugés par un organe, en l'occurrence un juge administratif, on aura peut-être l'occasion de dire deux mots du juge administratif. Death on the front line. Scars that might have been haphazard, a nice guy, Fred Rudiment mixes with his face half averted, as if it were an illicit act.

La semaine dernière avait lieu aux États-Unis le procès de Lori Drew, une Américaine de 49 ans qui s'était faite passer en 2006 sur MySpace avec l'aide de sa fille Ashley pour un jeune garçon de 16 ans, Josh Evans. Cet adolescent fictif avait flirté en ligne avec une adolescente amie de sa fille, Megan Mayer, 13 ans, avant de finir, après plusieurs semaines, par la rejeter brutalement d'un email lapidaire. Le monde serait meilleur si tu n'existais pas. L'après-midi même, la jeune adolescente était retrouvée pendue dans sa chambre. Baby dolls, she did it right. little guy. She works hard every night just to make her feel alright. She told me not to worry if anything is trouble inside. Première poursuite criminelle dans une affaire de harcèlement sur Internet dans l'histoire de la justice américaine, Lori Drew vient d'être condamnée non pas pour son crime, mais pour des délits de fraude informatique et de harcèlement liés au fait que son utilisation d'Internet contrevenait aux règles d'utilisation de services de MySpace. En mettant l'accent sur la technologie, les juges semblent montrer que la technologie a quelque chose à voir avec cette atrocité, s'enflamme la sociologue américaine Dana Boyd sur son blog. Yesterday, nothing. Soyons clairs, le suicide de Megan Mayer est une tragédie. Le fait qu'il ait été précipité par l'intimidation est horrible. Et le fait qu'un adulte ait été en cause est carrément odieux. Mais en se focalisant sur MySpace, les gens passent à côté du problème. Avec l'internet, le harcèlement, la rumeur et l'intimidation deviennent plus visibles.